Les leçons de l'histoire, cela ne saurait être autre chose que la conscience aussi exacte qu'il est possible de ce qui s'est passé durant le passé. Alberto Angela, passeur d'histoire. Ci troviamo nel cuore di Torino, a Piazza Carignano. Una piazza ricchissima di storia, c'è Palazzo Carignano, sede del primo Parlamento italiano, ma c'è anche il grande Museo Egizio di Torino. E questa sera è tutto nostro. Aux téléspectateurs de la RAI, un soir, il ouvre les portes du musée égyptologique de Turin, place Carignano, à deux pas du premier parlement italien. Ces jours-ci, il propose une émission sur Florence, qu'Arte diffusera bientôt. Si la chaîne culturelle a acheté ce programme historique, c'est sans doute qu'il diffère de ceux qui sont conçus pour le marché français avec leur routine. Jupons et secrets des têtes couronnées, regrets éternels devant les têtes coupées. Alberto Angela, il est vrai, a l'avantage de participer d'une longue expérience générationnelle. Son père, Piero, est un pionnier de la télévision italienne, un immense divulgatore, comme on dit si bien en italien. Lui-même a été étudiant au lycée Chateaubriand et à la Sapienza à Rome, puis dans les grandes universités américaines. Il voit assez large, en plusieurs langues. En outre, il compte en millénaires. Paléontologue, à l'origine, ses premiers programmes télévisés ont été consacrés à l'apparition de l'homme ou à la longue durée des dinosaures. Un moment journaliste dans la presse écrite, Alberto Angela a publié aussi plusieurs livres. Celui qu'il consacre à l'Empire romain en l'an 100 de notre ère a obtenu un succès international avant même d'être traduit en français aux éditions Payot. Aux apprentis qui lui demandaient comment vendre des livres, Alain Decaux recommandait de faire de la télévision, mais le succès d'Empire d'Alberto Angela s'explique autrement. C'est un livre solidement construit, conçu pour être robuste, des fondations au toit, et ça ne trompe pas. La marche de l'histoire, France Inter, Jean Lebrun. Bienvenue dans notre modeste studio, Alberto Angela. Bonjour à tout le monde. Je dis modeste parce que c'est un studio où il y a des caméras, mais elles ne fonctionnent même pas, c'est incroyable. Mais c'est peut-être bien d'être privé d'un sens, c'est de bonnes méthodes pour mieux comprendre l'autre. Je suis sûr que peu à peu, vous écoutant, les auditeurs vont imaginer votre silhouette. D'ailleurs, quand vous faites de l'histoire, vous recommandez ça, fermons les yeux. Absolument, je pense que l'histoire, c'est principalement une expérience des gens. C'est-à-dire que quand tu écris sur l'histoire, il faut vraiment que le lecteur commence à entrer dans l'atmosphère. Par exemple, vous êtes dans les ruelles de Rome, qu'est-ce que vous voyez ? Vous voyez des gens qui vous passent à côté, les parfums, des femmes romaines, les regards, mais aussi des mauvaises odeurs dans les petites ruelles. C'est-à-dire que l'histoire, la grande histoire, est faite de petites histoires, celles qu'on a la possibilité de vivre. C'est pour ça qu'il faut utiliser tous les sens. Les parfums des matrones sont suivis de l'odeur de sueur des esclaves. Dites-vous, vous êtes très sensible aux odeurs d'ailleurs. Oui, absolument. Parce que, au fait, si on regarde ce qu'on appelle même le sixième sens, c'est l'addition de tous les sens mis ensemble qui te donne des sensations. C'est ça. J'imagine vraiment l'histoire qui n'existe plus, des lieux, des personnes qui n'existent plus de siècles, peuvent retourner à vivre avec nos sens. Dans votre méthode, Alberto Angela, il y a aussi la recherche d'une idée simple qui puisse bien fonctionner. Alors ici, vous imaginez la circulation d'une pièce de bronze, pas une pièce d'argent parce que ça circulerait trop vite, pas une pièce Absolument. D'or, ça irait trop loin, trop vite aussi. Voilà, alors je voulais expliquer ce que c'était l'Empire romain. Il fallait que je trouve un espèce de tapis volant pour faire un long voyage. Et j'ai imaginé un sesterce, c'est-à-dire une monnaie de bronze qui passe de main en main et chaque personne qui la prend est une personne réelle. Réellement, elle a réellement vécu à l'époque romaine dans cette ville et dans ces années. Donc, avec ce métier, etc. On connaît même le visage de certains d'entre elles, grâce à des fresques, grâce à des statues, etc. Donc, le bronze, c'est quelque chose qui passe dans les rues. Elle passe pas, cette monnaie, dans les grands palais. Finalement, elle arriverait même à être prise en main par l'empereur Trajan. Mais bon, naturellement, ça, c'est l'histoire qui peut être racontée. C'est un récit vraisemblable qui vous amène dans tout l'Empire. On fait un tour de tout l'Empire. On arrive même en Inde. Et on découvre, dites-moi, la pièce, vous parlez des visages qu'ont les mains qui la tiennent. Mais elle porte elle-même un visage, c'est celui de l'empereur. Mais elle va arriver un jour à la cour, mais l'empereur, curieusement, ne sera pas là. Ce qui vous intéresse beaucoup, c'est l'histoire sociale. Par exemple, vous racontez comment est frappée la pièce. Oui. Par qui ? Oui. Dans quelle atmosphère ? Exactement. C'est ça. Moi, je pense que quand on arrive dans n'importe quel lieu, c'est toujours la question des sens. On est frappé par des odeurs, par des bruits, par des regards. Et puis, à la fin, on commence à penser au sens de tout ça. Mais c'est surtout une façon presque primordiale qui nous aide à comprendre un lieu. Alors là, on voit cette monnaie qui est frappée avec ses esclaves. Il y a un Gaulois qui donne un coup de massue incroyable qui permet à cette monnaie de paraître, de naître. Et donc le voyage qui peut être fait. C'est le premier esclave d'une longue série, parce qu'il va y avoir beaucoup d'esclaves au long d'Empire. Votre livre qui vient d'être traduit chez Payot, le Sesterce, va voyager, par exemple, entre les mains d'esclaves, mais aussi entre les mains de marchands d'esclaves, entre les mains d'un centurion. 55, 55, 60, 60, 60, vendu. Centurion Primipile Lucius Vorenus, je suis bien content de te voir. J'ai quitté l'armée. Je viens vendre mes esclaves. Ah. Tous morts de dysenterie. Rien à faire. Dysenterie. Je les ai gardés malgré l'odeur, pour te prouver ma bonne foi. C'est la faute de personne. La fortune t'en a au moins laissé un. Et ce petit est de bon augure. Combien je peux le vendre ? Oh, prix respectable. Largement assez pour payer leur pension. Quoi, quelle pension ? Ils ne sont pas morts de faim. C'est qui ? Votre père l'a ramené de Gaulle. Et qu'en fera-t-on d'ici là ? On le garde, bien sûr. On le vendra dès qu'il aura repris meilleure mine. Et qu'est-ce que nous ferons ensuite ? Nous n'avons aucune économie. Ne t'inquiète pas, je trouverai quelque chose. Quel est son nom ? Il n'en a pas ! On l'appellera Rubio, comme mon pigeon qui est mort. C'est pas une infidélité, c'est un pas de côté, c'est un extrait de la série Rome, américano-britano-italienne, que vous avez aimé d'ailleurs. La vie quotidienne est reconstituée d'une façon extraordinaire. Et je veux dire une chose, quand un touriste, nous-mêmes, allons par exemple à Pompéi, on voit le Colisée, on voit ça, c'est-à-dire on voit des ruines et du silence, mais on essaye de remettre de la vie dessus. C'est notre imagination qui fait exactement ce qu'on voit dans ce film, par exemple. Vous avez noté d'ailleurs que la série Rome est comme vous sensible aux odeurs. Les âmes mortes qui sont là et qui ne sont plus vendables dégagent une odeur terrible. Les esclaves, on les retrouve dans beaucoup de scènes de votre livre. On les retrouve dans les carrières de marbre d'Éphèse, on les retrouve en Hispanie, où le sestère circule aussi, où on fabrique le garum. On le retrouve là où on foule le raisin pour le vin de Moselle. Et là encore, ce sont des esclaves nus dans une cuve de foulage. Oui, disons que c'était une société complètement différente de la nôtre. Il y avait tellement de choses qui étaient semblables, mais d'autres choses qui étaient complètement différentes. L'esclavage était naturel, normal. On avait des Romains qui allaient au marché pour acheter des esclaves, exactement avec la même façon avec laquelle on achète, par exemple, une machine à laver, enfin, n'importe quel instrument, n'importe quel, levier, outil. Absolument. Et naturellement, les Romains même, ils rouspétaient, disaient non mais les prix, c'est fou les prix qu'il y a maintenant, une fois c'était pas comme ça, est-ce que ça fonctionne bien ? Bon mais c'est pas une grande qualité, c'est une qualité un peu inférieure, mais il fonctionne bien, c'est incroyable. Et je me suis toujours demandé, mais comment ça se fait qu'ils pouvaient avoir cette mentalité ? C'est-à-dire c'était une grande culture, une grande civilisation, mais il y avait l'esclavage, c'est-à-dire tu traitais un être humain comme si c'était un animal. Et finalement, je pense que c'était le passé. Heureusement, aujourd'hui, notre société qui a des traits très semblables, grâce à la technologie, a réussi à se libérer de l'esclavage. Alors, quand vous guidez le lecteur, de même quand vous guidez le téléspectateur, Alberto Angela, vous insistez toujours sur le déjà-vu. Ah, ils ont des chaussettes dans leurs sandales, c'est comme nous, elles sont juste un peu plus bariolées. Ah, ils ont des routes, elles ressemblent aux nôtres. Mais, à chaque fois, vous dites, il n'y a pas que la proximité, il y a aussi l'altérité. Ces routes, par exemple, quand elles accèdent aux villes, deviennent des allées de cimetières. Absolument. Si on regarde un cimetière aujourd'hui, on voit que c'est un lieu qui est hors de la ville, il a une enceinte, c'est un lieu de la tristesse avec des phrases qui sont écrites du vivant vers le mort. Tandis que les Romains, c'est exactement le contraire. On sortait des villes, il était interdit d'enterrer quelqu'un à l'intérieur des villes, donc les cimetières étaient au long des grandes voies, l'Appia par exemple, c'est fameux, les catacombes sont toujours dans ces grandes voies qui partent des villes, et c'est pas un lieu de tristesse, au contraire, c'était un lieu assez, disons, d'hommes sages, c'est-à-dire que les morts donnaient des conseils aux vivants. Ils passaient sur les routes, les vivants, ils regardaient ces tombeaux, il y avait toujours écrit quelque chose, et des conseils pour la vie. Fondamentalement, le conseil était, écoute, vie, sois joyeux, parce que ce qui arrive après, il n'y a plus rien, donc tout se concentre dans la vie. Et il y avait même de l'humour. Je rappelle, c'était un acteur qui avait écrit sur son tombeau, j'ai récité cette partie beaucoup de fois, mais jamais aussi bien que maintenant. Donc c'était quelque chose qui... Ils avaient du sens de l'humour même dans la mort. Alors, la recommandation d'être joyeux, évidemment, il est tel ou tel passage dans Empire qui nous emmène dans des lieux de rencontre et de drague. Vous avez beaucoup lu Ovid, qui sait tout, hein, Ovid, c'est incroyable. Tous les endroits de drague de Rome. Et comment le faire aussi. Ouais. Et ici, encore une infidélité, mais seulement apparente, avec toujours la série Rome. Nous sommes dans un lupanar encore plus grand que ceux que décrit Ovide, un jeune homme, est guidé en tout domaine par son précepteur, qui va devenir un moment entremetteur. Va-t'en, va-t'en, c'est pas pour toi ici, c'est pas un bordel, un soldat ici, allez, sors de chez moi. Du calme, ma belle, du calme. On vient pour mon jeune maître, et on a plein d'argent. Oh, bien, excuse-moi, pardon. Je ne voulais pas t'offenser, je suis très honorée de servir le jeune maître. Et qu'est-ce qui ferait plaisir à ce jeune homme? Il est puceau. Rien de trop épicé. Oh, je suis sûre que nous avons ce qu'il faut. Quelque chose d'exotique, peut-être. Ou quelque chose de plus jeune, léger, simple. Elle est maigre, non? Celle-ci, ça ira. Attends, c'est une décision importante. Prends ton temps. Tu peux regarder... Celle-ci est parfaitement adéquate. Tu seras tout à fait satisfait, je te l'assure. Egeria, va te préparer. Et si maintenant nous passions à la question financière? Oh, bien sûr. Quel est ton prix? Ça fera 1000. Tant que ça? Je pourrais avoir toutes les putains de Narbo, avec leur mère en plus. On n'est pas à Narbo ici. C'est bon, ma colombe. On te paie. Narbo, la Narbonnaise. Alors, puisque tout se négocie en sesterces dans votre empire, Alberto Angela, 1000 sesterces? C'est énorme. 2000 euros, c'est quand même une somme. Oui, disons, je comprends que le précepteur soit effrayé. Ouais, voilà. Disons que, naturellement, si on cherche à comprendre quelle était la valeur d'un sesterce en époque romaine, il faut quand même se figer à certaines époques. La valeur a changé. Au temps de Pompéi, qui est plus ou moins 30 ans avant mon livre, disons, le sesterce valait plus ou moins 6 euros, tandis que plus ou moins aux alentours de l'année 100, ça valait 2 euros. Donc avec un sesterce, vous pouviez acheter par exemple 2 kilos de pain ou une bouteille de vin ordinaire, ou un verre d'un bon vin, c'est-à-dire, ou même, on le sait par ce qu'on a vu écrit sur les murs de Pompéi, disons 4 relations sexuelles avec des prostituées d'ordre assez simple, disons. Mais cette femme-là dans la série Rome vaut très cher. La femme, elle vaut très cher, mais sa durée de vie est deux fois inférieure à celle de l'homme, en 100 de notre ère. Oui, si on fait statistiquement, là, on essaie de comprendre la durée de vie, on s'aperçoit que les femmes n'arrivaient pas à 30 ans. 29 ans était l'âge moyen, tandis que l'homme arrivait à 41 ans. C'est-à-dire, c'est pas qu'à 41 ans ou 29 ans, une femme et un homme vous tombaient morts dans les bras, c'est que simplement, il y avait des problèmes, les maladies, et surtout dans le cas de la femme, accoucher un enfant, c'était vraiment frôler la mort. Disons, les enfants, dans la première année, avaient environ entre 20 et 40% de chances de mourir, et donc il fallait faire beaucoup de fils. Et chaque fois qu'une femme faisait un fils, elle avait 1000 fois plus de chances de mourir qu'aujourd'hui. C'est-à-dire, une femme sur 10 mourait pour l'accouchage. C'est pour ça qu'on voit sur les tombeaux des âges très très jeunes pour les femmes. Alors, je recommande la lecture d'Empire, qui nous emmène du nord au sud, de l'est à l'ouest de l'Empire. Alors, est-ce que l'écriture ne permet pas un certain nombre de ressources que l'écriture télévisuelle que vous maniez d'habitude, que l'image que vous maniez avec talent aussi, qui exige restitution, reconstitution avec une précision extrême? Il y a plusieurs morceaux de bravoure dans votre livre, d'une bataille avec les chattes, des germains, et puis au Circus Maximus, deux fois plus grand en capacité que le Stade de France. Hein. Oui, je pense que c'était la plus grande structure que l'homme ait jamais conçue pour un spectacle de ce genre. C'était environ 125 000 spectateurs minimum, mais peut-être même un demi-million, ce qui me paraît un peu trop quand même. Oui, alors beaucoup plus que le Stade de France, qui pour le foot est à 80 ou 90 000 personnes assises. C'est au Circus Maximus que se déroule donc le deuxième morceau de bravoure de votre empire. C'est la course de chevaux. Alors on a envie de faire le rapprochement, vous le faites d'ailleurs dans votre livre, avec le film de notre enfance, enfin je parle de moi, pas de vous. Non, non. Ben-Hur, ouais, 1959, écoutez. Bah ben ouais, c'est 62. Hein, c'est... Citoyens, je vous accueille à ces jeux au nom de Tibère, notre divine empereur. Nous les dédions à sa plus grande gloire et à la gloire éternelle de Rome, qui pour vous est la seule patrie. Honorons ceux qui vont courir pour nous aujourd'hui. Ils sont venus ici d'Alexandrie, de Messine, de Carthage, de Chypre, de Rome, de Corinthe, d'Athènes, de Phrygie et de Judée. Pour le meilleur d'entre eux, le laurier de la victoire. La course commence. Ave César! La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter. Avec Alberto Angela, grand divulgatore, comme on dit en Italie, auteur chez Payot, c'est sa première traduction en français d'Empire. Alors dans votre livre, il y a une critique très forte, très précise du Ben-Hur de 1959. On peut pas critiquer ce que dit Jean-Pierre Mariel sur l'étendue de l'Empire, c'est un de ses premiers rôles de doublage. On pourrait peut-être critiquer la musique. Votre père, Piero Angela, qui est un excellent pianiste, le ferait. Mais alors vous, c'est l'image, ce sont les chars. Qu'est-ce qu'ils ont, les chars de Ben-Hur, qui ne conviennent pas à l'exactitude? C'est des chars que pas un seul Romain aurait utilisé pour faire une course de chars. Parce que c'est des chars qu'on utilisait pour les triomphes. Les généraux qui arrivaient dans le forum avec les armées, comme ça, après une victoire, utilisaient ce genre de chars. Mais pour une course, il faut utiliser un char beaucoup plus simple, beaucoup plus léger. L'espèce de balcon qu'il y a était très bas, il arrivait plus ou moins aux genoux, et puis même les brides, elles étaient pas tenues en main. Vous aurez jamais eu la possibilité de faire 7 tours avec en tenant des brides en main. Les brides passaient autour du corps, un peu comme quand on fait la voile, disons. C'était les mouvements du corps qui aidaient le char à faire les tournants. Même les chevaux, ils étaient utilisés d'une façon très particulière. Il y avait des chevaux qui étaient habiles à faire les tournants étroits, tandis que le cheval qui était à l'extérieur, il était celui qui courait le plus. Il y avait c'était un monde qui est mal connu, qui a disparu. Mais imaginez une chose, le Colisée, à notre façon de voir, était le spectacle principal à Rome. Réponse, non. Le Colisée avait 50 000 places. le Cirque Maxime avait minimum 125 000 places, probablement 200 000, 250 000. C'était là le grand spectacle. C'était les courses, les gens faisaient des paris, les gens allaient pour remorquer, comme dit Ovide. C'était un des lieux où les hommes et les femmes pouvaient s'asseoir à côté de l'autre. Mais dites-moi, c'est facile de critiquer. Aujourd'hui, de toute façon, c'est plus facile de refaire Ben Hur. Je crois qu'il y a un projet. On peut utiliser des effets spéciaux. On n'a pas besoin de mettre, comme je sais pas, dans Lawrence de l'Arabie, 2000 personnes dans le désert avec 500 chameaux. C'est à l'époque, l'histoire du cinéma, c'est ça. C'était les grandes masses. C'était d'autant plus une chose très intéressante. Une fois, j'ai fait un tournage. On a fait un reportage sur le Cirque Maxime, et je voulais savoir exactement quelle était la surface sur laquelle couraient les chars. Et on m'a dit, écoute, les archéologues m'ont dit, la seule étude qui a été faite pour le film Ben Hur. Et nous, on a fait des carottages et on a vu qu'ils avaient raison. C'est-à-dire, c'était des grains, c'est pas de la poussière, c'était pas du sable, c'était du gravier, très fin. Mais je voulais vous poser une question sur les effets spéciaux. Vous les utilisez dans vos émissions de télévision? Disons que nous, on fait de reconstruction avec des groupes historiques. Et ils sont, je les considère un peu comme des archéologues expérimentaux. Certains d'entre eux font vraiment de la recherche, des marches dans la neige, des trucs comme ça. Et ils savent ce que ça veut dire. Ils lisent pas seulement les textes, ils mettent des cuirasses. Et ils essayent de reconstituer l'histoire. Et je veux vous dire que là, il ne faut pas d'effets spéciaux. Nous, les effets spéciaux, par exemple, on l'utilise pour reconstruire des choses qui n'existent plus. L'aspect du Colisée, des villes entières, oui. Alors là, tu fais des... Mais là aussi, on essaye d'avoir toujours des historiens, des archéologues qui nous disent exactement comment sont faites les choses. Mais parlons un peu de Nier et Sesterces. Comment montez-vous vos productions? Vos coproductions. Parce que la série qu'on entendait tout à l'heure, Rome, c'est américano-britannico-italien. Vous, vous faites des coproductions dans l'univers italien. Non, c'est la RAI qui fait tout ça. Je travaille pour la RAI. Et mais je vois aussi que vous travaillez avec l'Espresso, la Repubblica, oui. Non, là, c'est oui, quand j'écris, oui, pour comme mais en tant que journaliste. Mais il n'y a pas des DVD ou des home cinéma qui sont coproduits oui. Absolument, par absolument. C'est-à-dire que de presse écrite. On a fait des choses pour la RAI, qui est la télé publique, et il y a eu des journaux, par exemple le Corriere, il y a eu la Repubblica qui font qui prennent, disons, des émissions. Et j'ai même fait, oui, des DVD, par exemple, sur les musées du Vatican. Sur le Vatican, les secrets du Vatican, c'est une ville, c'est une chose assez intéressante, qui ont été vendus avec ces journaux. C'est-à-dire que c'est une façon de divulguer, de raconter l'histoire et la culture qui est très importante. Et il n'y a pas seulement la télé, il y a la radio. Et je suis vraiment heureux d'être ici. Je peux vous dire que c'est une très belle interview. J'aime bien, les questions sont très bien posées. C'est très bien de parler avec quelqu'un qui en sait, c'est pas toujours le cas, je vous dis. Et puis finalement, la télé, la radio et les journaux et le web. Maintenant, il y a ça aussi. Il faut arriver. Je voulais passer un extrait de Passage du Nord-Ouest et qui concerne les tablettes de la civilisation mésopotamienne. C'est toujours un petit peu le même truc d'ailleurs qu'avec le sesterce. Vous montrez une tablette, elle est enveloppée dans la terracotta, dans la terre cuite, et alors vous posez une question vibrante. Ora apriremo questa busta di terracotta. Nous allons ouvrir cette enveloppe de terracotta, mais qu'est-ce que l'on y trouvera? Que peut-on bien y trouver? Le plus souvent, les tablettes contenaient des listes d'objets et de marchandises à envoyer ou à régler, des inventaires de magasins. Et ora? Et maintenant, nous allons enfin pouvoir assister à l'ouverture de cette enveloppe et à la lecture de son contenu. Pour ce faire, le centre de recherche Ligabue a fait appel à la collaboration de deux grands experts, le professeur Pentinato, qui enseigne l'assyriologie à l'Université de Rome, la Sapienza, et le professeur Formica, restaurateur, qui va ouvrir cette enveloppe. Professeur Formica, comment allez-vous ouvrir physiquement cette enveloppe? Eh bien, nous utiliserons des bistouris et des lames pinces diamantées pour obtenir une incision d'une extrême précision. Et combien de temps faudra-t-il pour ouvrir cette enveloppe qui, par ailleurs, et c'est un cas très rare, porte des sceaux royaux? Au moins 2 heures. Alors, nous vous laissons travailler. Bonne chance à vous. Grazie. Vous avez fait un excellent casting, puisque le professeur Formica, quand même, Formica. Non, c'était quelque chose d'extraordinaire. Une enveloppe qui est restée scellée pendant des siècles et des milliers d'années, qui vient d'être ouverte. On ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est extraordinaire. Ça n'a pas pris 2 heures, mais 5 heures. C'était une chose que ça se terminait jamais. Finalement, ils ont ouvert cette boîte d'argile avec à l'intérieur cette tablette. Et le professeur Pettinato a lu ce qu'il y avait à l'intérieur, comme si c'était, mais c'était du babylonien. Il a lu ça pour la première fois comme si c'était un billet du bus. Moi, j'en pouvais, j'en comme quoi on pas. A besoin des universitaires, parce que souvent chez les gens qui font de l'histoire à la télévision en France, on entend dire « Oh là là, les professeurs du secondaire, ils sont très ennuyeux, les professeurs du supérieur, ils sont extrêmement poussiéreux ». Vous ne marquez pas cette distance, ni cette concurrence avec non. les universitaires. Bon, pendant 10 ans, j'ai fait des fouilles, je suis un paléoanthropologue comme formation, puis je suis arrivé dans le domaine du journalisme après, mais j'ai toujours senti cette distance entre deux univers fondamentaux, la recherche et les gens qui vivent dans les rues, les gens qui veulent savoir. Des exemples, vous les avez en tête? Par exemple, je vous fais un exemple pour conclure. Donc c'est important de faire un pont entre ces deux univers. Par exemple, l'origine de l'homme, par exemple Rome, etc. Et ça doit arriver à tout le monde. Donc la vulgarisation, c'est-à-dire la divulgation, est importante et il faut utiliser, à ma façon de voir, le contenu des phrases. Sûrement, c'est du contenu universitaire, de la recherche, sûrement. Mais la phrase elle-même doit utiliser des mots des gens communs. C'est ça les ingrédients d'une bonne cuisine pour réussir à véhiculer et à passer le sens de la recherche et ce qu'on vient de découvrir. Alors, il faut pas être trop universitaire, il faut pas être trop, disons, de la rue, mais il faut utiliser les deux choses. Et je pense que la solution meilleure, c'est les mots des gens communs, mais les contenus des savants. Et le montage? Parce que souvent, les universitaires en France, quand ils se commettent dans un certain nombre d'émissions qui ne sont pas en direct, comme celle-ci, ils ne sont pas contents du montage. Ouais, c'est-à-dire que nous, d'habitude, quand on interviewe des savants, enfin des chercheurs, des personnalités du monde universitaire, d'habitude, on interviewe, on monte et on fait voir l'interview si ça va. C'est important qu'il y ait un agrément, sûrement. C'est important d'utiliser le mot « savant ». Pas trop. Pas trop. C'est-à-dire que moi, je suis absolument tactique et pas stratégique. C'est-à-dire, c'est le mot, c'est l'exemple surtout qui est important quand on parle de la science de l'histoire. Vous parliez déjà de conclusion. Qu'est-ce que c'est le programme sur Florence qui est diffusé actuellement à la RAI et qui va venir bientôt sur Arte? Alors, c'est 2 heures. Dans Florence la nuit. Alors, la formule, c'est je suis à Florence, je suis seul, j'entends le bruit de mes pas dans les rues, et j'ai la possibilité d'entrer dans les Uffizi, dans les grands musées, et de voir sans personne, sans quelqu'un autour, le David ou bien la Vénus de Botticelli. Donc c'est ça, les téléspectateurs sont des invités. Merci d'avoir été l'hôte. Merci de à vous. La marche de l'histoire aujourd'hui. Je rappelle chez Payot votre premier livre traduit en français qui s'intitule « Empire ». L'émission était réalisée par Jacques Sigal, préparation Franck Olivard et à la technique Nicolas Slimani. Thank you.